Depuis plus de 30 ans, Brico Dépôt s'engage pour votre pouvoir d'achat. Avec notre partenaire Énergie, le kit de 8 panneaux photovoltaïques d'une puissance totale de 3 kW crête ou équivalent est à partir de 5 890 € fourni posé. Brico Dépôt. Wow. Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Service proposé sous réserve de faisabilité. Prix après remboursement de la prime d'investissement d'un montant maximum de 1 050 € sous réserve d'éligibilité. Voir conditions et modalités sur bd-rénovation-énergétique.fr. Offre proposée et réalisée par la société Énergie. France Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Médecine et philosophie, c'est notre série de cette semaine. Un grand chapitre historique nous attend aujourd'hui, romanesque, lié à la démarche médicale et à l'envie de savoir. Quatrième épisode, des alchimistes aux chimistes. Médecine moderne sans molécules pour agir contre les maladies. On oublie parfois à quel point la médecine occidentale est dépendante de la chimie. Et ce, bien plus que les médecines orientales qui font une place majeure au toucher du corps, à la stimulation de certains de ses points. En Occident, massages et manipulations existent certes, mais sont souvent délégués à certaines spécialités médicales bien précises. Par ailleurs, évidemment, tout un domaine est constitué par les actes de chirurgie, mais n'oublions pas que là aussi, l'aide de certaines molécules est plus qu'appréciée pour préparer le malade, puis l'aider à récupérer. Bref, notre série sur médecine et philosophie exigeait, à un moment donné, de réfléchir à l'histoire de la chimie, à ses savants, souvent un peu bizarres. Aujourd'hui, les chercheurs ont tendance à ne plus séparer d'un trait les alchimistes du Moyen-Âge et de la Renaissance de la véritable chimie à laquelle Lavoisier, au XVIIIe siècle, a donné une impulsion décisive. Alors bien sûr, nul ne nie l'excentricité charmante des alchimistes, univers plein de légendes et d'obscures pratiques, peint notamment par Marguerite Yourcenar dans l'œuvre au noir. Mais enfin, il y a rarement rupture scientifique sans tâtonnements, rêves et découvertes pour la précéder. Parlons donc ce matin des alchimistes, qui d'ailleurs connaissaient en général, même s'ils ne les appréciaient pas toujours, Hippocrate, Galien et Avicenne évoqués dans nos épisodes précédents. Bonjour Christina Viano. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'alchimie gréco-alexandrine et de ses rapports avec la philosophie grecque. Bonjour Didier Kahn. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, très bon connaisseur de la ligne qui va de l'alchimie à la chimie et notamment de la figure de Paracelse, alchimiste de la première moitié du XVIe siècle. Et bonjour François Pépin. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire. L'histoire de la chimie est pour vous un terrain d'étude et de recherche qui semble vous ravir. Vous êtes par ailleurs un spécialiste de Diderot et du rapport de celui-ci à la science. I had you looking in the wrong section. How could I be so stupid? Je ne vous ai pas envoyé chercher au bon endroit. Mais comment ai-je pu être aussi stupide? J'avais pris ça à la bibliothèque pour me distraire le soir. Ça, c'est distrayant. Of course, here it is. Nicolas Flamel is the only known maker of the Philosopher's Stone. The what? Je le savais. C'est là. Nicolas Flamel est le seul à avoir fabriqué la pierre philosophale. La quoi? Ça ne vous arrive donc jamais de lire? La pierre philosophale est une substance légendaire dotée de pouvoirs étonnants. Elle peut transformer n'importe quel métal en or et elle produit l'élixir de longue vie qui rend immortel celui qui le boit. Immortel? Ça veut dire qu'on ne meurt jamais. Je le savais, merci. Chut! The only stone currently in existence belongs to Mr. Nicolas Flamel. La seule pierre qui existe de nos jours appartient à Monsieur Nicolas Flamel, l'illustre alchimiste qui a fêté récemment son 665e anniversaire. Voilà ce que Touffu garde au troisième étage. Voilà ce qui se trouve sous la trappe, la pierre philosophale. France Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Et oui, elle explique très bien les choses, Hermione. C'est elle, bien sûr, qu'on entend dans le premier film Harry Potter, correspondant au premier tome, où il s'agit de trouver la pierre philosophale avant Voldemort. Et Hermione explique, oui, elle a raison, la pierre philosophale a été beaucoup cherchée, dotée, paraît-il, de qualités comme le pouvoir de transmuer les métaux, les transformer en or, et aussi du pouvoir de rallonger la vie, peut-être indéfiniment. Par contre, ce qui est vraiment faux dans ce qu'elle dit, c'est tout ce qui concerne Nicolas Flamel, qui non seulement n'a jamais trouvé la pierre, mais fait l'objet de véritables légendes tout à fait extravagantes, qui n'ont rien à voir avec le véritable Nicolas Flamel qui a existé dans l'histoire. Alors qui était-il le vrai Nicolas Flamel, Didier Kahn? Alors si je peux revenir juste un instant sur la question de l'immortalité non plus n'a pas de sens. Parce que nous sommes dans le monde chrétien, en tout cas du 12e au 18e siècle, et dans un monde chrétien, on ne recherche pas l'immortalité, on cherche à prolonger la vie. À prolonger la vie. Jusqu'au terme prescrit par Dieu. Alors Nicolas Flamel est probablement le plus célèbre des alchimistes français, c'est ce qui m'a fait dire dans un livre, dans une réédition de ses œuvres, le plus célèbre des alchimistes français n'a jamais fait d'alchimie. Il n'a jamais fait d'alchimie, c'était un bourgeois, un écrivain public. Il effectuait des travaux du style de ceux que font les notaires, sans être lui-même notaire d'ailleurs. Mais bref, il est devenu célèbre parce qu'il a laissé beaucoup de donations pieuses et parce que la mort de sa femme a donné lieu à un procès qui durait encore 50 ans après sa mort. Donc juste pour donner les dates du véritable Nicolas Flamel, il est né en 1330 et mort en 1418. Au passage, il a vécu assez longtemps, ça doit contribuer à sa légende. 88 ans pour l'époque, c'est pas mal. C'est pas mal, mais on trouve d'autres personnes qui vivent aussi longtemps et ça, apparemment, ça n'a pas tellement contribué à sa légende. Ah bon, et par contre, il est riche. Alors, il passe pour être fabuleusement riche. Mais c'est une pure illusion parce que il a laissé donc un grand nombre de fondations pieuses, mais quand on les regarde à la loupe, on s'aperçoit qu'elles sont chacune assez modestes. Donc c'est du délire en fait. On a choisi ce monsieur. Alors on n'est pas dans le délire. On est dans la recherche d'autorité. Par exemple, un livre aura beaucoup plus de succès. Un livre que j'écris moi, Didier Kahn, aura beaucoup plus de succès si je le publie sous le nom de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande au hasard. C'est la mentalité au Moyen-Âge, à l'époque où la notion d'auteur n'est pas encore sacralisée comme elle l'est de nos jours. Donc on avait besoin d'un auteur incroyablement savant, génial, on l'a inventé. Alors, on disposait de tout un répertoire, par exemple Thomas d'Aquin, Raymond Lulle, Arnaud de Villeneuve, des philosophes et des médecins célèbres qui n'avaient pas forcément fait d'alchimie, ou qui parfois n'en avaient jamais fait, ou qui même avaient écrit contre l'alchimie. Mais là, on est dans une phase nouvelle de la diffusion de l'alchimie dans toutes les classes de la société. L'alchimie sans bourgeoise, si on peut dire. Oui. Et donc, c'est à partir du 15e siècle, à peu près, c'est ça? Et oui, on reconstruit un peu le passé, du coup. C'est le moment où les textes d'alchimie latin commencent à vraiment être diffusés dans les langues vulgaires, dans toutes les langues, en italien, en allemand, en anglais, en catalan, bon. Et en français, bien sûr. Et voilà, Nicolas Flamel est une figure célèbre. Et on va commencer à attribuer l'origine de sa fortune à l'alchimie. Mmh. Et puis, de fil en aiguille, on va lui attribuer des traités de plus en plus consistants, jusqu'à ce qu'en 1612 paraisse le plus célèbre des traités qu'on lui attribue, le livre des figures hiéroglyphiques, qui n'est pas très anachronique parce qu'il est fait d'alchimie médiévale. Oui. Il a été construit à coups de collets de ciseaux à partir d'un recueil d'alchimie médiévale qui était paru 30 ans avant. Mais il est très digne de Harry Potter, quand même, si vous voulez mon avis. Vraiment, c'est drôle de choses, des histoires de serpents, de symbolisme. C'est tout juste si on n'y trouve pas les Horcruxes, hein, dedans. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Vous voulez qu'on écoute un extrait? Allez, un extrait de ce livre un peu fou, attribué à Nicolas Flamel, mais on ne sait pas vraiment, je crois qu'il a écrit. En tout cas, c'est plein de fantaisie. Livre des figures. On ne sait pas qui, hein. Livre des figures hiéroglyphiques de Nicolas Flamel, écrivain, ouvrage de 1612, un extrait. Contemple bien ces deux dragons, car ce sont les vrais principes de la philosophie que les sages n'ont pas osé montrer à leurs enfants propres. Le premier est appelé soufre, ou bien caldité, et siccité. Et le dernier, argent vif, ou frigidité et humidité. Ce sont ces serpents et dragons que les anciens Égyptiens ont peints en un rond, la tête mordant sa queue pour dire qu'ils étaient sortis d'une même chose. Ce sont ces dragons que les anciens poètes ont mis à garder, sans dormir, les pommes dorées des jardins des vierges Hespérides. Ce sont ceux-là sur lesquels Jason, en l'aventure de la toison d'or, versa le jus préparé par la belle Médée. Des discours desquels les livres des philosophes sont tant remplis qu'aucun philosophe n'a jamais été qu'il n'en ait écrit. Depuis le véridique Hermès Trismégiste, Orphée, Pythagoras, Artéphius, Morienus et les autres suivants jusqu'à moi. Ce sont ces deux serpents envoyés par Junon, qui est la nature métallique, que le fort Hercule, c'est-à-dire le sage, doit étrangler en son berceau, c'est-à-dire vaincre et tuer, pour les faire pourrir, corrompre et engendrer au commencement de son œuvre. Quelle histoire, hein, quand même. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Beaucoup de mythologie grecque, beaucoup d'associations d'idées, c'est ça Didier Kahn ? Oui, l'interprétation alchimique de la mythologie commence au XIVe siècle, mais en fait elle se développe à la Renaissance. Et donc ça, c'est un trait typiquement anachronique dans ce livre de Flamel. Et peu d'alchimie en vérité, plutôt des références un peu, oui, mythologiques. Il s'agit vraiment d'interprétations alchimiques, c'est-à-dire qu'on donne vraiment un sens opératif. Ici on ne le voit pas parce qu'on reste dans des généralités, mais on a d'autres traités dans lesquels véritablement des mythes de la mythologie grecque ou romaine sont interprétés de façon très détaillée. Et appliqué à des opérations de laboratoire. François Pépin, je crois que ça vous passionne l'alchimie, mais au départ, me semble-t-il, c'est la chimie qui vous passionnait. Et puis vous êtes rendu compte qu'on peut pas tracer des lignes comme ça trop abruptes, et que ces tâtonnements des alchimistes, leur petit délire personnel, là je parle pas du pseudo Nicolas Flamel, mais de tout un monde qu'on va découvrir ce matin, c'est important, ça donne à réfléchir sur les figures de savants. Oui, je crois que plus largement, ce que la chimie ou l'alchimie font, c'est de poser des questions pour la philosophie un peu autrement. Justement, l'un des sous-entendus là, de notre discussion, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu prémoderne dans toute cette alchimie et que ça aurait été ou ça aurait dû être balayé par ce qu'on a appelé la révolution scientifique. Mais du point de vue opératoire, comme en parlait Didier Kahn, en fait, les alchimistes et les chimistes jusqu'au 18e, mettons pour simplifier jusqu'à Lavoisier, travaillent de la même manière. Il y a une espèce de continuité dans les gestes, continuité dans le laboratoire, continuité dans les opérations. Et ça pose un certain nombre de questions sur l'activité de la matière, sur l'interaction entre les substances, sur ce que font les corps les uns sur les autres. Donc effectivement, de ce point de vue-là, j'ai commencé par m'intéresser à, disons, la chimie du 18e, mais je suis pas dérouté de voir que derrière un vocabulaire qu'on a un peu plus de mal à comprendre, il y a en fait chez les alchimistes aussi des opérations. La recherche de la pierre philosophale, ça peut être aussi considéré comme finalement le terme de tout un tas d'opérations, ce qui guide tout un tas d'opérations. Donc c'est pas seulement des grands symboles théoriques avec des mots un peu bizarres. Oui. Alors, je vous propose qu'on réfléchisse à cette histoire de pierre philosophale. D'abord, moi, j'ai une question, je ne sais pas qui veut répondre, mais pourquoi philosophale ? C'est-à-dire, d'où c'est venu, cette espèce de pierre qui est censée permettre de transmuer les métaux en or et aussi qui est censée rallonger la vie ? Intéressant, parce que l'aspect, disons, médical est lié à la question de la transmutation des métaux. Philosophale, pourquoi ? Parce que ça a à voir avec des intuitions des philosophes grecs anciens, parce que ça veut dire tout simplement... une quête de savoir ou de sagesse, enfin, mais c'est vrai que ça résonne, c'est très poétique, hein, la pierre philosophale. Quelle est votre réponse, Christina Viano ? Mais oui, d'abord, la pierre philosophale, le terme grec, c'est lithos ton philosophon, donc c'est la pierre des philosophes. D'accord. Donc, il y a cet adjectif lié à ça. C'est parce qu'ils étaient appelés les philosophes déjà dans l'Antiquité. Les alchimistes s'appelaient eux-mêmes les philosophes. Ah. Donc, il y a un lien très étroit. Et ils se vivaient comme médecins aussi, médecins et philosophes. Alors, les médecins, oui, sont évoqués souvent. Là, par exemple, je pensais à Zosime. Il y a un passage de Zosime qui est très intéressant. Alors, Zosime, il est du 300 à 400. 304, fin troisième, début quatrième siècle après Jésus-Christ, oui. Il y a un passage dans un texte où il fait une comparaison entre l'efficacité du prêtre rabouteur, on dit en français, celui qui répare les eaux. Hein. Alors, ne me demandez pas. Oui, rebouteur, excusez-moi, ça m'échappe le mot. C'est le prêtre qui répare les eaux avec aussi tout un côté religieux, de cérémonie, etc. Et les vrais médecins qui accompagnent leur pratique d'une connaissance de textes du passé, des autres auteurs, donc tout un savoir aussi théorique. Oui. Et donc, il y a souvent là, Zosime, il les met à côté, il dit que les médecins qui pratiquent, qui ont aussi tout ce savoir, sont efficaces comme les prêtres qui se basent surtout sur la pratique. Mais ça, c'est pour dire que il y a une expression en grec, c'est les fils de médecins, ça veut dire les médecins. Il y a souvent une comparaison entre l'activité de l'alchimiste et la médecine, parce que la médecine est le modèle de l'art, de la techné. Ça, déjà chez Aristote, dans l'Antiquité, oui. C'est vraiment. Aristote, par exemple, il l'utilise pour faire une comparaison avec la rhétorique. Hein. C'est les premiers modèles de techniques d'art. D'intervention de l'homme, oui, la création, oui, dans l'univers. Dans l'univers, mais surtout le fait d'accompagner, de coupler théorie et pratique. C'est-à-dire, ça ne suffit pas la pratique uniquement, parce que c'est l'expérience. Il faut aussi une théorie, une connaissance de principes, une connaissance de causes, une connaissance du passé. Voilà. Alors, donc, mais je voudrais quand même savoir... Zosime, on va lire un extrait de lui. Il y croit dur comme fer, hein, l'histoire de la transmutation en or. C'est l'un des premiers, oui, oui. Donc, il n'était pas le seul. Il cherchait. Est-ce que ça passait effectivement par l'accès à une sorte de substance première, de matière première de l'univers, qui serait donc cette matière qu'on trouverait dans la pierre philosophale? Il faudrait trouver c'est un résidu de la matière tout à fait première qui a constitué la Terre. Mais il y a cette idée de... Bon, il y a un terme qui correspond à la pierre philosophale chez les alchimistes grecs, c'est l'eau divine. C'est cette eau divine qui, d'ailleurs, c'est un jeu de mots, parce que le mot divin, c'est théion, et théion, ça veut dire souffre. Et divin en grec, donc c'est le même terme, donc il y a un jeu de mots, c'est l'eau divine et l'eau de soufre, et donc ça, c'est une substance qu'on extrait des métaux, mais oui, qui en même temps, c'est celle qui active la transmutation, qui active la... Donc il faut bien la trouver, la fameuse pierre philosophale. C'est une sorte de causalité efficace, quoi. C'est pour ça qu'après il est comparé au principe des présocratiques et tout ça. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on extrait et qu'on applique, qu'on obtient. Mais ça se base aussi sur l'idée qu'il y a une matière commune métallique et que les métaux sont des phases progressive d'une seule espèce qui est l'or, qui est le résultat final, qui est l'accomplissement, quoi. Donc quête d'unité. Il y a une unité. Il y a la quête d'unité. En effet, le dragon, le serpent qui se mord la queue, c'est le symbole de l'unité cosmique. Et évidemment, c'est assez fantasmatique de se dire que si tous les métaux sont reliés, on pourrait tout transformer en or. C'est là le gros problème. Le gros problème avec la philosophie, c'est ça. C'est-à-dire ? Il se fonde sur une épistémologie, disons, une théorie de la science aristotélicienne. Et chez Aristote, il y a la fixité des espèces. Et Qu'est-ce que vous voulez dire ? Chez Aristote, ce serait imaginable, ça, non, l'unité des métaux ? Non, ont transformé chez Aristote. C'est un peu ambigu, mais d'ailleurs, disons, dans sa philosophie, les espèces sont fixes. Il y a des espèces de métaux aussi, chez Aristote ? Des espèces de métaux, oui. Donc différentes, et normalement, ça ne communique pas. Mais en principe, non, il ne dit pas grand-chose, mais à un moment... C'est pratique, il dit disons, tous les successeurs, parce que ça ne l'intéresse pas de transmuter, évidemment, mais tous les successeurs, les commentateurs d'Aristote, ils disent, parce que c'était un peu une question ouverte, ils disent qu'ils considéraient les métaux comme des espèces d'un genre, mais c'est des espèces qui ne communiquent pas. Donc, c'est un peu comme des matières premières, un peu comme des principes, comme des éléments premiers, hein, c'est ça. Et donc, si on postule qu'il y a une seule espèce, donc une seule matière métallique, oui, sur laquelle on peut ajouter les qualités propres des autres métaux, on obtient l'or facilement. Mais ça, c'est... D'où l'enthousiasme quand même de Zosime qui y croit vraiment. Eh bien, je vous propose d'écouter un court extrait de ses mémoires authentiques. Je rappelle que Zosime est un alchimiste grec des 3e, 4e siècles après Jésus-Christ. Il est beau de voir les transformations des quatre métaux, plomb, cuivre, argent, étain, jusqu'à ce qu'ils deviennent de l'or parfait. Petit à petit, dans ces substances, vous dompterez par nécessité le cuivre d'apparence blanche et, après le cinquième mode opératoire, sous l'action des trois sublimés, se forme ensuite ce qu'on appelle or. Et voilà comment, en domptant la matière, vous recueillez l'espèce unique, issue de multiples espèces. Et oui, et donc ça dit aussi à quel point il y avait une vitalité dans ce milieu dont vous êtes la spécialiste, Christina Viano, qui est ce milieu, disons, des intellos, hein, on va dire comme ça, à Alexandrie, au 3e, 4e siècle. Mais pourquoi ? Hier déjà, nous avons évoqué la dissection, et ce sont les premiers à Alexandrie, à cette période-là, à avoir procédé à des dissections. Ils procèdent à des expériences de transmutation des métaux. Mais qu'est-ce qui se passait exactement à Alexandrie pour cette audace dans la recherche ? Mais d'abord, les premiers textes, c'était des recettes. On peut considérer qu'il y a en gros trois phases dans l'alchimie alexandrine. Les premières, c'est des recettes. Mais c'est des recettes vraiment de teinture. C'est surtout de teinture, de fabrication, des choses artificielles, de pierres précieuses, de l'or, de la pourpre aussi. Hein, il y avait ça. Et après, petit à petit, il y a cette idée d'une teinture tellement profonde qui transmute, qui crée une nouvelle substance, c'est-à-dire qui obtient cette substance. Alors, à ce moment-là, il commence à y avoir une réflexion philosophique, parce qu'il faut trouver les principes de cette technique, de cette discipline nouvelle, révolutionnaire, parce que, comme je disais, ça va contre tout ce qu'on avait dit, a été dit après. C'est pas qu'il y avait l'idée de la transmutation, mais il y avait des interdits, par exemple, la fixité des espèces chez Aristote, chez Platon, l'idée qu'on pouvait pas refaire ce qu'avait fait le démiurge quand il a constitué le monde et ça. Donc, il s'était pas posé la question de la transmutation, mais c'était une idée révolutionnaire. Alors, il faut trouver les notions pour l'exprimer. Et donc, on va vers la philosophie d'Aristote, chez laquelle il y a des interdictions, mais quand même, ils essayent de trouver, de négocier. Après, ils vont négocier jusqu'au Moyen-Âge, à la Renaissance, avec Aristote. Alors, disons qu'il y avait cet idéal, hein, comme disait Didier tout à l'heure, cet idéal d'arriver à fabriquer, à refaire quelque chose avec une teinture qui devient une transformation radicale. Et alors il y a ce fantasme de l'or, qui d'ailleurs fait un peu réfléchir. Si on pouvait tout transformer en or facilement, l'or perdrait de sa valeur, non ? Qu'est-ce que c'est que ce fantasme autour de l'or ? Peut-être les uns et les autres, au-delà de l'Antiquité, le monde médiéval. D'ailleurs, au passage, il faut quand même qu'on dise un mot aussi de l'Orient, de l'Égypte, de la Perse. Y a-t-il eu aussi des alchimistes là-bas ? Et est-ce que là aussi, il y a cette fascination de l'or qui, encore une fois, est un peu troublante ? Parce que si vraiment on réalisait tous les fantasmes, l'or perdrait de sa valeur. Qui veut répondre à ces... C'est des interrogations que j'ai. Il y a un interdit moral que les alchimistes prononce sur le danger de répandre leur art à grande échelle. Parce que, évidemment, l'alchimiste, si tout le monde savait faire de l'or, comme vous le dites, l'or perdrait sa valeur et le monde courrait à la ruine. Donc, c'est l'une des justifications du secret, de la tradition du secret. Ah oui, c'est l'une des raisons. Si jamais on a trouvé la pierre philosophale, il ne faut surtout pas le dire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le langage des alchimistes a toujours été si obscur. L'une des raisons. Les autres sont plus circonstancielles, plus... matérielles peut-être, plus économiques, parce qu'il y avait aussi l'idée de par exemple, comme ça naît, l'orfèvrerie et tout ça, ça naît chez les pharaons égyptiens, il y avait aussi cette idée de garder le secret, de trésors royaux, il fallait pas diffuser. Mais ils étaient arrivés à des techniques très élaborées. Donc l'Égypte, la Perse, il y a d'autres endroits où... Mais ce n'est en Égypte. Ce n'est en Égypte. Hein, d'ailleurs, le terme alchimie, il y a une théorie que je partage beaucoup, selon laquelle le terme, ça vient du mot d'Égypte, Kemi, c'est un copte Kme, c'est le nom de la terre noire d'Égypte. Oui. D'Égypte. Donc il y a une théorie selon laquelle ça veut dire le savoir de la terre d'Égypte, un savoir très ancien, etc. Donc il y avait cette idée de... Mais il y a aussi l'idée que l'or, c'est quelque chose de très particulier. En lui-même, il est incorruptible. C'est un métal qui il est beau, il est incorruptible. Même si l'or n'était pas la chose considérée la plus précieuse. Par exemple, il y avait le fameux bronze noir de Corinthe, très mystérieux, qui était considéré plus précieux que l'or. Donc, et la pourpre aussi. L'électrum. Ah, oui. L'électrum aussi, c'est mélange d'or et d'argent. Ouais. Bon, alors je voudrais maintenant que vous m'expliquiez un peu les liens avec la médecine. J'ai l'impression, j'ai un peu évidemment regardé vos travaux, bon, c'est considérable, que l'alchimie transmutatoire, ou je sais pas, qui peut transmuer les métaux, assez vite, l'enjeu est de soigner aussi, puisque ça peut rallonger la vie, la pierre philosophale a d'autres vertus que juste produire de l'or. Mais en même temps, hier nous avons fait une émission sur Avicenne, qui est en Perse, en Iran, donc actuel Iran, disons fin 10e siècle, début 11e siècle, il déteste les alchimistes. Il est médecin, lui, il pense que c'est des fous furieux, que c'est d'aucune aide pour la médecine. Et les alchimistes, si j'ai bien compris, le lui rendront bien. François Pépin. Pour les relations entre la chimie et la médecine, on a affaire sur le long terme à quelque chose d'assez complexe, avec Paracelse, mais Didier en parlera mieux que moi, on a vraiment une sorte de réorientation hein, d'une chimie métallique qui se tourne vraiment vers la médecine. Mais après, les rapports sont très complexes parce que les médecins vont aussi accuser la chimie de réduire le vivant à quelque chose qui ne l'est pas. Il va y avoir aussi un problème qui est le problème de l'usage de ce qu'on appelle les remèdes chimiques, donc à base métallique ingérée, qui sont des remèdes extrêmement violents. L'or, par exemple, potable. Oui, c'est l'or vous potable. Vous qui m'avez appris tout ça. Ouais, hein, il paraît qu'il y a potable, un certain Anglais, qui est très célèbre, c'est le régule d'antimoine qui a peut-être sauvé la vie à Louis XIV. Ah oui. Oui. Bon, après, il y a aussi un côté légendaire. Et en fait, il y a des problèmes. On en parlait aussi avant dans la discussion de différentes traditions pour lesquelles ce qui est naturel pour certains peut sembler en fait complètement subversif et interdit. Parce que les alchimistes pensent que tout ça, c'est prolonger le cours naturel des choses, c'est amener les métaux vers un stade parfait, c'est en quelque sorte maturer, accélérer la nature, mais jamais aller contre elle. Mais en revanche, pour un médecin de la faculté de Paris, ça va être considéré comme anti-galénique, presque anti-naturel, presque un sacrilège. L'idée même de changer les espèces peut être considérée comme une altération de la forme substantielle, ça pose des problèmes dans la scolastique et même après. Mais du point de vue en fait, des critères de rationalité, ce que je trouve intéressant, c'est que le partage n'est pas si clair que ça. C'est-à-dire que des rapports entre chimie et médecine, vous pouvez à la fois avoir des exigences d'autonomie où on ne veut pas que l'un soit réduit à l'autre. On peut aussi avoir des éclairages réciproques. Et en fait, c'est très difficile d'avoir un jugement tranché sur ces questions-là. Mais alors, puisque vous parlez de l'Université de Paris, mettons-nous en pensée... à l'Université de Paris, mettons au XIIIe siècle, Paracelse ça vient plus tard, c'est début du XVIe siècle. Au XIIIe siècle, on a traduit Avicenne, on connaît donc Hippocrate, Galien, Avicenne. Pour les médecins, c'est quand même encore la base, si j'ai bien compris. Et les alchimistes, dans tout ça, ils sont complètement en dehors. Ils passent un peu pour des sorciers de l'époque, c'est ça ? Alors, Didier pourra prolonger, mais je pense que pendant longtemps, l'alchimie et la chimie sont en dehors de l'université. On parlera peut-être de l'Académie des sciences à Paris et de la Royal Society. C'est au XVIIe. Au XVIIe siècle. Ça fait partie des premiers lieux d'officialisation d'une forme, non pas d'enseignement, mais de recherche chimique, alchimique. Sauf que les choses restent complexes, puisque par exemple, à l'Académie royale des sciences de Paris, on a des plus alchimistes, tard, ouais. Et plus tard. Hein, plus tard. Mais on n'a pas le droit de parler de pierre philosophale. C'est un sujet interdit. Didier Kahn sur le rapport des médecins, je dirais, avant Paracelse, on va venir à Paracelse dans un instant, avec l'alchimie, ils se détestent ? Non, enfin, il y a beaucoup de médecins dès le Moyen-Âge qui pratiquent l'alchimie. En fait, il va y en avoir tout le temps, constamment, du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, une grande partie des alchimistes sont médecins. Les alchimistes ne sont pas considérés comme des sorciers. La sorcellerie n'a rien à voir là-dedans. C'est l'une des autres distorsions apportées par Harry Potter. Harry Potter. Nous sommes, nos cerveaux sont biaisés par Harry Potter. Voilà. La sorcellerie n'a strictement rien à voir. Les alchimistes n'ont jamais été soupçonnés d'évoquer des esprits, sauf ceux qu'ils faisaient vraiment. Il y en a eu quelques-uns. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous parliez de d'Avicenne et de sa sentence abrupte contre la transmutation, disons. Ouais. Il faut que les alchimistes sachent qu'on ne peut pas transformer les espèces. Les alchimistes prennent ça au Moyen-Âge et déjà avant, comme l'a dit Christina. Ils prennent ça pour un défi scientifique. Oui. Et donc, c'est ça qui suscite l'enthousiasme auquel vous faisiez allusion. C'est que pour eux, il y a un véritable défi scientifique à parvenir à fabriquer de l'or. Défi médical aussi, du coup ça, alors, c'est ça, c'est le lien qui est intéressant. Vous avez évoqué Roger Bacon. Ouais. C'est Roger Bacon qui, le premier, apporte l'idée qui se trouvait déjà dans l'alchimie arabe, mais de façon moins visible. L'idée que l'alchimie peut aussi aider à prolonger la vie. Avec un or qu'on peut manger, boire, qui aidera les gens qu'il faut savoir. L'idée de Roger Bacon, c'est qu'il faut partir de l'or, parce que l'or est un corps parfait, un corps ultime, comme l'a dit Christina. C'est le corps qui se rapproche le plus de l'état du corps d'Adam au paradis terrestre. Ouais. C'est l'état qui se rapproche le plus de l'incorruptibilité initiale. Et donc, il faut partir de cette substance-là pour parvenir à restituer à l'homme quelque chose de l'état d'incorruptibilité dans lequel il se trouvait au paradis terrestre. Et là, vous faites référence aussi à la foi, parce que parfois, certains alchimistes se réfèrent explicitement à la foi chrétienne. Alors, j'ai appris donc qu'il y avait un théologien, Johannes de Ruperkissa, est-ce que je prononce bien ? Je ne le connais pas, c'est pas avant. 14e siècle, alors lui, il pense franchement que si on trouve la quintessence, c'est peut-être un autre mot, la substance tout à fait première de la Terre, on pourra s'en imbiber et résister alors lorsque l'Antéchrist viendra, donc avant la venue du Messie, il y aura l'Antéchrist, ce sera l'horreur, plein de mots M-A-U-X, eh bien on pourra résister à cette période si on consomme cette quintessence. C'est ça, Christina Viano? Oui, quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Didier Kahn. C'est exactement c'est ça. Il a des idées eschatologiques, comme on dit. Qu'avait déjà en arrière-plan Roger Bacon, d'ailleurs. Oui, en fait, Rupeskissa est le théoricien de l'idée de la quintessence. La quintessence, c'est le terme qu'utilisaient les philosophes médiévaux pour désigner l'éther, au sens aristotélicien du terme. Et oui. L'éther, c'était cette substance différente des quatre éléments, distincte des quatre éléments dont était fait, qui constituait la matière céleste, la matière des cieux. Et Rupeskissa dit que Dieu a prévu pour les pauvres gens qui subiront les tribulations de l'Antéchrist une contrepartie terrestre de la matière céleste. Et cette contrepartie terrestre, c'est la quintessence. Alors, nous parlons des alchimistes ce matin, des alchimistes au-chimistes, car il y a là toute une ligne à retracer qui est assez passionnante et même franchement romanesque. Je suis en compagnie de trois grands spécialistes, Christina Viano, Didier Kahn et François Pépin. Alors, il y a une figure très importante qui arrive, elle naît en 1493 et elle opère donc, si j'ose dire, dans la première moitié du 16e siècle, c'est Paracelse. Alors, Paracelse, il faut qu'on passe un petit moment sur lui. Il est suisse, il a cherché lui aussi, je crois, une sorte de substance première, par-delà les quatre éléments qu'on distinguait à l'époque. Vous allez tout... Non, c'est pas ça, il n'a pas du tout cherché. L'alcaeste, des choses comme ça, ça n'existait pas pour lui. Non, l'alcaeste, c'est Von Helmont qui, un siècle après Paracelse, qui va Alors, que cherchait-il ? Rectifiez-moi. Que cherchait-il ? Paracelse, c'est un... avant tout, c'est un théologien. Oui. Et il est aussi médecin. Et il est aussi alchimiste. Oui. Mais il a certainement cherché un temps la pierre philosophale, mais ce n'est pas du tout son objectif numéro un. Son objectif numéro un, c'est d'accorder la théologie et la médecine, parce que pour lui, le plus grand médecin, c'est le Christ, qui a soigné des paralytiques, rendu la vue à des aveugles, etc. Oui. Et il va donc chercher à élaborer une nouvelle médecine parce qu'il est radicalement... C'est un disciple de Luther au début. Oui. Ensuite, il s'écarte de Luther. On a dit lui d'ailleurs qu'il voulait être le Martin Luther de... Oui, on l'a appelé le Luther de la médecine. Et il a répondu, je suis bien plus que ça. Ah bah oui, tant qu'à faire. Alors, donc, il connaissait les métaux quand même. Je crois qu'il a été travaillé très jeune dans des mines, non? Il a connu... Oui, c'est ce qu'on dit. On ne sait pas bien. C'est très difficile d'obtenir des certitudes sur la biographie de Paracelse. Ouais. Il errait beaucoup. Il a beaucoup voyagé. On ne sait pas bien où il a fait ses études de médecine, je crois. On ne sait pas très bien, non? Si. On ne sait pas exactement. Il a suivi des armées en tant que chirurgien. Oui. Dans les années 20, probablement. Il a fait des études à Ferrare, très probablement. Il n'a très probablement pas obtenu de doctorat de médecine. Oui. Parce que quand il va vouloir s'établir à Strasbourg en 1526, oui, il va s'affilier à la guilde des chirurgiens et pas à la faculté de médecine. Donc. Et ça se passera mal à Strasbourg, si je ne me trompe pas. Non, à Strasbourg, tout va bien. Mais ensuite, il est appelé à Bâle qu'il a guéri un célèbre imprimeur balois, Johann Froben. Oui. Et donc, il va être appelé à Bâle pour devenir le médecin de la ville. Et c'est là que ça va se passer. Et donc, qu'est-ce qui se passe alors là? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? En 1527, il est à Bâle. Oui. En 1527, en tant que médecin de la ville, il a le droit de donner des cours à l'université. Alors, il va le faire. Et ses cours sont très étonnants. plus qu'étonnant. Il y a une phrase qu'il va dire plus tard. Bizarre, nouvelle, surprenante, inouïe, dit-on, sont ma médecine, ma météorologie, ma théorie et ma pratique. Mais comment n'apparaîtrais-je pas bizarre à ceux qui n'ont jamais marché en plein soleil? Je ne suis pas effrayé par la meute des disciples d'Aristote ou de Ptolémée ou d'Avicenne. Ce qui m'effraie, c'est seulement la mauvaise fortune qui place tant d'obstacles sur ma route. Alors vous pouvez imaginer les obstacles qui se placent sur sa route avec des discours pareils. La transmutation des métaux, il y croyait, Paracels? Oui. Un peu? Oui. Beaucoup? Il y croyait, mais bon, il ne l'a pas non plus défendu bec et ongle, parce que ce n'était pas son objectif. Son objectif, c'était de... pour lui, la nature reposait sur des bases chimiques ou alchimiques, puisque alchimique, c'était le terme qu'on employait à l'époque. Le terme de chimie n'existait pas en soi. Enfin, la notion de chimie n'existait pas en soi. Donc, disons... Alors, oui, il cherche les composants tout à fait premières, c'est ça? Voilà, exactement. De toutes les matières. De toutes choses. Alors, je vous propose d'écouter un petit texte qui le dit extrêmement clairement, car Paracels est assez clair par rapport à d'autres textes que nous avons évoqués. C'est un extrait de sa philosophie de la génération et des fruits des quatre éléments, un texte de 1527. Maintenant, voici comment Dieu a créé le monde. Au commencement, il l'a créé en un seul corps, aussi loin que s'étendent les quatre éléments. Ce corps, il l'a établi en trois composantes, le mercure, le soufre et le sel, de telle façon que ces trois composantes forment un corps. Ces trois composantes constituent tout ce qui réside dans les quatre éléments et tout ce qui en est produit. Elles renferment toute la force et le pouvoir des choses périssables, car en elles résident les minéraux, le jour, la nuit, le chaud et le froid, les pierres, les fruits et tout le reste. Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Et c'est Antoine Ravon de notre équipe qui lit ce matin Les Alchimistes pour nous. Paracels, dans ce texte, considère donc qu'il y a trois composants premiers de tout, mercure, soufre et sel. On retrouve l'envie d'unification à la source de tout ce qui existe, qui est assez typique, on l'a dit, de la recherche de la pierre philosophale, etc. On retrouve ça chez Paracels, mais ce sont trois ingrédients pour lui. Oui, c'est-à-dire que Paracels reprend la théorie héritée de l'alchimie arabe selon laquelle les métaux sont faits de soufre et de mercure. Mm-hmm. Donc, soufre et mercure qui sont des principes. Hein, parfois, bon, peu importe. Paracels reprend cette idée et y ajoute le sel, mais il étend cette théorie à toute chose au monde. Parce que, pour lui, le monde a été créé par Dieu, évidemment. Or, Dieu est trinitaire. Il est la Trinité. C'est ça l'histoire des trois éléments. Lorsqu'il parle, lorsqu'il dit que la lumière soit, lorsqu'il prononce le verbe créateur qui est fiat, ce verbe lui-même est prononcé par la Trinité. Et donc, il est de nature trinitaire. Et ce qu'il crée ne peut être que de nature trinitaire, de nature triple. Charles Pépin, rassurez-moi. François Pépin, excusez-moi. Je veux dire, il reste quelque chose des recherches de Paracels aujourd'hui, enfin, ou franchement, c'est n'importe quoi. J'ai d'abord envie de vous répondre peut-être un peu à l'envers, c'est-à-dire que on se demande pourquoi on a pu croire à tout ça, et en fait, on se rend compte que c'est parce que c'est un autre système de rationalité. Oui. À partir du moment où les métaux ne sont pas des éléments, mais sont eux-mêmes composés des mêmes principes, la transmutation est théoriquement possible, et jusqu'au milieu du 18e, la plupart des chimistes vont considérer qu'elle est théoriquement possible, même si eux, pour la plupart, ont arrêté de la rechercher. Et des gens comme Descartes peuvent envisager, comme pour la quadrature du cercle, qu'on ne sait pas encore si c'est possible, mais que la pierre philosophale, c'est pas du tout impossible théoriquement. Alors après, est-ce que concrètement, il reste quelque chose? C'est une question qui est difficile, parce que sur le plan théorique, du point de vue du langage, du point de vue des concepts, depuis au moins la réforme de Lavoisier, mais même avant, la chimie ne peut plus du tout être dans l'héritage de Paracels, mais du point de vue des opérations. Si on regarde aussi le plan pratique, la question de la purification, le fait d'étudier un corps par rapport à ce qu'il fait avec d'autres corps, tout ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui a été modifié. Le laboratoire d'aujourd'hui ne ressemble plus du tout au laboratoire de Paracels, mais par contre, si on regarde le laboratoire du 18e et ce qu'on peut imaginer être le laboratoire de Paracels, là, on a plutôt affaire à une certaine continuité. Donc, en fait, quand on fait l'histoire de la chimie, il faut aussi faire l'histoire des gestes et des pratiques. Et de ce point de vue-là, il y a des ruptures. Du point de vue de la culture du secret, par exemple, ça va s'arrêter. Mais il y a aussi des continuités. Alors, je veux dire, Paracels, il cherche aussi des choses en médecine et dans les plantes. Le fameux laudanum qu'on lui doit, peut-être Didier Kahn, il travaille sur le pavot, c'est une plante. Alors, est-ce que ça utilise des métaux? Le laudanum, c'est un opiacé, en fait, très, très, très puissant. C'est ce que vont en faire ses successeurs. Ce qu'il appelle le laudanum, il semble que ce soit une sorte de proto-éther. L'éther des pharmaciens, l'éther qu'on respire et qu'on n'a plus le droit d'acheter parce qu'on peut se droguer avec. Voilà. Donc il trouve ça, ses travaux sur les métaux lui servent pour l'établissement du laudanum ? Il distille pour cela ce qu'on appelle à l'époque du vitriol, c'est-à-dire alors je ne sais pas si c'était du sulfate de fer ou du sulfate de cuivre, puisque le vitriol pouvait désigner l'un ou l'autre. Et comme je n'ai pas révisé ma leçon sur la question, je ne peux pas vous répondre avec précision. Mais c'était du sulfate de fer ou du sulfate de cuivre, donc vous voyez, ce sont des minéraux. Et c'est utilisé encore ? Pardon ? C'est utilisé encore, le laudanum ? D'autres formes de laudanum développées par ses successeurs peuvent être utilisées. Bah, vous savez bien qu'il y a eu un scandale retentissant aux États-Unis avec les remèdes opiacés. Oui, donc la question des opiacés, depuis le début de l'histoire de la médecine, on en parle en vérité depuis Hippocrate et Galien. Oui, il y a même des querelles assez consistantes au XVIIe siècle pour savoir si l'opium est un remède froid ou chaud, ce qui change tout. Pour sa préparation, évidemment. Bon, on va faire un saut vers le XVIIe siècle. Alors, en France, il semble que ce siècle-là, c'est l'âge classique, dirait Michel Foucault, qui a un peu recouvert, c'est ce qui était la thèse de Foucault dans l'histoire de la folie à l'âge classique, quoi, un peu recouvert toutes les excentricités de la Renaissance. Alors, je ne sais pas si la thèse de Foucault est toujours à la lettre près reconnue, mais au-delà de cette thèse, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se fige en France. Donc, François Pépin, on fonde l'Académie des sciences, on condamne explicitement les alchimistes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette ambiance française du XVIIe siècle? Alors, c'est assez complexe. Une première image serait de dire que, avec une modernité qui gravite autour de Descartes et en physique des modèles corpusculaires, la chimie trouve difficilement sa place, ou alors il faut qu'elle utilise des concepts qui sont des concepts corpusculaires, qu'on remplace les principes par des pointes, par des pores, par quelque chose de géométriquement imaginable. Et de fait, il existe à l'Académie royale des sciences de Paris, qui est fondée en 1666, une certaine tradition qu'on peut appeler de chimie disons, mécaniste. Mm-hmm. Mais en fait, on se rend compte dans le détail que si la figure de Descartes est valorisée, il y a d'autres figures souterraines comme Bacon, Francis Pal, l'alchimiste. Et donc, on a aussi des pratiques de laboratoire et on a une classe de chimie à l'Académie parisienne qui comprend des alchimistes. Alors évidemment, à l'Académie, quand ils présentent des mémoires, ils taisent ces travaux alchimiques. Hypocrisie classique. C'est une forme de prudence sociale aussi, parce que c'est un sujet qui fâche. Bon, c'est pas un interdit religieux, hein, c'est un peu d'un autre ordre. Mais comme il y a des débats, on peut dire, très vifs, qui sont un peu idéologiques, l'Académie décide qu'il ne faut pas s'embarrasser de cela. Mais ce qui est intéressant, c'est, je crois, malgré ce que dit Foucault et d'autres, c'est d'enrichir notre paysage de ce qui est classique au XVIIe siècle, si l'on veut. Et en fait, il y a aussi plusieurs traditions chimiques qui sont développées par des gens qui cultivent une forme de rationalité différente, où par exemple, tout n'est pas forcément expliqué par des figures géométriques, il peut y avoir des puissances dans la matière, on parlera peut-être tout à l'heure de Newton. Et on en parle tout de suite. Ah bon, on en parle tout de suite. Alors Newton, donc, c'est un autre pays que la France, c'est l'Angleterre, peut-être un peu plus souple sur les usages, l'artisanat, les recherches un peu folles. En tout cas, il n'y a pas cet interdit qui semble malgré tout un peu, même s'il est hypocrite en partie, vous venez de le dire, qui semble s'installer en France autour des recherches des alchimistes. Isaac Newton, il travaille à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, et je vous propose d'écouter un extrait de son traité d'optique sur les réflexions, réfractions, inflexions et les couleurs de la lumière. On écoute. Lorsqu'on verse du sel de Tartre sur la dissolution d'un métal, ce sel précipite le métal et le fait tomber au fond de la liqueur en forme de limon. Cela ne prouve-t-il pas que les particules acides sont plus fortement attirées par le sel de Tartre que par le métal, et qu'en vertu de cette supériorité d'attraction, elles vont du métal au sel de Tartre? De même, lorsqu'une dissolution de fer dans l'eau forte dissout la calamine et laisse aller le fer, ou qu'une dissolution de cuivre dissout le fer qu'on jette dedans et laisse aller le cuivre, ou qu'une dissolution d'argent dissout le cuivre et laisse aller l'argent, ou qu'une dissolution de mercure dans l'eau forte étant versée sur le fer, le cuivre, l'étain ou le plomb dissout le métal et laisse aller le mercure, tout cela ne prouve-t-il pas que les particules acides de l'eau forte sont attirées plus fortement par la calamine que par le fer, plus fortement par le fer que par le cuivre, plus fortement par le cuivre que par l'argent, et plus fortement par le fer, le cuivre, l'étain et le plomb que par le mercure? Christina Viano, vous ne trouvez pas qu'il y a de la poésie dans tout ça? Moi, ça me frappe. Et vous ne trouvez pas qu'on retrouve finalement, plusieurs siècles après, donc chez Newton, quelque chose qui était là déjà chez vos alchimistes d'Alexandrie, là, au 3e siècle après Jésus-Christ, cette quête, oui. Cette poésie? Ah oui. Vous êtes d'accord? Oui, oui, il y a cette idée de rapports entre les métaux, du fait que certaines fonctionnent d'une autre manière. Oui, oui, il y a sans doute. Mais chez Zosime, disons que parmi tous les plus poétiques est Zosime, hein, justement. Dont on a parlé au début, oui. Zosime, il y a une partie de ses mémoires authentiques, c'est les visions. C'est les visions où il décrit des rêves qu'il a fait et qui lui ont, dans lesquels la transmutation de métaux s'accompagne à une transmutation justement de l'individu, à une purification, à un changement. Donc on a vu là des résonances du gnosticisme, du rapport entre le corps et l'esprit, etc. Et là c'est très poétique, oui. Justement, parce qu'on voit vraiment il y a des images aussi assez étonnantes, des souffrances, des tortures, après des renaissances. Oui. Donc il y a aussi ce côté poétique, et il y a des images très belles, hein. Il y a des termes très beaux et Alors moi, je voudrais maintenant, on a quelques minutes encore, que vous me clarifiez les idées à propos de Lavoisier. Donc Lavoisier, il est en 1743, il meurt en 1794, donc c'est plein 18e. Est-ce une rupture, vraiment, dans la chimie? Bon, ce que j'ai compris, c'est qu'il travaille beaucoup sur la combustion, et donc il observe que le poids des métaux change quand on les calcine, parce que, si j'ai bien compris, le métal absorbe une partie de l'air au cours de la combustion, donc il pèse les choses, il rationalise des choses qui n'étaient pas totalement irrationnelles non plus avant, mais... Est-ce que c'est une rupture ou bien est-ce que les chercheurs d'aujourd'hui ne voient plus les choses ainsi, voient plus de la continuité avec l'avant que de la rupture? Alors, c'est une question complexe. Je dirais que depuis quelques années, alors qu'on avait créé un mythe Lavoisier, rupture avec l'équivalent de la révolution scientifique du 17e en physique avec Lavoisier, ça serait pour la chimie, avec toute cette arrière-fond, les historiens là ont essayé de montrer qu'il y avait plus de continuité. De là à dissoudre complètement Lavoisier dans ce qui se faisait avant, je pense qu'il y a un pas à ne pas franchir. Mais par exemple, la célèbre expérience de combustion, elle avait déjà été faite. On savait déjà que les métaux augmentaient de poids, mais il y avait d'autres théories explicatives. Et ce qui est intéressant avec Lavoisier, c'est qu'il va reprendre tout un tas de choses qui existent déjà avant, mais il va les reconfigurer autrement. Donc, par exemple, l'idée de peser, ça se fait très souvent. La balance, c'est l'outil principal du chimiste, en un certain sens, avec toute la verrie pour les alambics. Oui. L'idée d'utiliser des pesées pour voir ce qui se transforme et qui perdure, avec un principe de conservation, même chose, ça existe déjà. Mais ce que Lavoisier va faire, c'est combiner tout ça et en faire une véritable méthode expérimentale. Et de ce point de vue-là, il y a quand même quelque chose de nouveau. C'est aussi pour ça qu'il va commander des balances pour peser les gaz, des balances d'une précision qu'on ne connaissait pas avant. Mm-hmm. Et alors, il y a aussi un point où là, pour lequel il y a quand même, malgré tout, une assez grande rupture, c'est du point de vue de la nomenclature, c'est-à-dire de ce qu'on peut appeler le langage de la chimie. Oui. Là, de ce point de vue-là, toutes ça change beaucoup. Les molécules, enfin, tout devient très formalisé. Ça met fin, disons, à la théorie des éléments et à tout un tas de... disons, de concepts qui leur étaient associés. À partir de Lavoisier, on va parler de corps simple et c'est vraiment une autre nomenclature. Didier Kahn, je crois que vous allez avoir le dernier mot sur cette question. La rupture Lavoisier ou pas vraiment? Si, la seule chose que j'ajouterais, c'est que ce qu'il ne faut plus dire maintenant, c'est que c'est Lavoisier qui a mis fin à l'alchimie. En réalité, on n'en sait rien. On ne peut pas trouver un lien de cause à effet entre la chimie de Lavoisier et le fait que l'alchimie semble disparaître pour un temps de la scène à la fin du XVIIIe siècle, parce qu'en même temps que Lavoisier, on a la Révolution française. Avec la Révolution française, on a la disparition de toutes les sources de financement possible des alchimistes, avec une émigration massive de la noblesse. Et puis on a de grosses perturbations politiques et sociales quand même. Donc, le fait est que à partir des années 1780, la production imprimée et manuscrite des alchimistes est en chute libre, mais ça continue après. Et on a même des chimistes disciples de Lavoisier qui, au début du XIXe siècle, vont continuer à maintenir, à affirmer la possibilité de la transmutation. Un souffle d'un vous entendez la recette pour un cake d'amour, qui est une chanson dans le film Peau d'âne de Jacques Demy, musique évidemment composée par Michel Legrand et interprétée par Anne Germain. Le film, je vous le rappelle, est de 1970. Merci beaucoup pour tous ces éclairages sur les potions et autres recettes que les alchimistes néanmoins ont imaginées en préparation de la chimie moderne, préambule, Christina Viano, Didier Kahn et François Pépin, vous avez été extrêmement clair et vous avez pris beaucoup de choses ce matin. Voici maintenant la chronique de Frédéric Vorm. Cette semaine, il nous parle de la Deuxième Guerre mondiale. On l'écoute, c'est le pourquoi du comment. Comment éclata l'année 43 en philosophie ? L'année 1943, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, ne fut pas seulement l'année d'un tournant politique et historique, avec par exemple la bataille de Stalingrad, qui fut le retournement de la Seconde Guerre mondiale sur les champs de bataille en Europe, ces champs de bataille qu'on pensait ne jamais revoir et qui se déchaînent de nouveau sur le territoire même de l'Europe entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui. Mais l'année 1943 fut aussi, en philosophie, publiquement et souterrainement à la fois, une immense année philosophique qui éclata de brillant, de brio, avec par exemple « L'être et le néant » de Jean-Paul Sartre, qui fut un best-seller sur un mauvais papier aux éditions Gallimard en plein cœur de cette année 43, et un brillant et un brio qui masquait aussi des œuvres plus secrètes, des œuvres parfois rédigées dans la résistance, parfois en prison, comme le texte posthume de Jean Cavaillès, ou en exil, comme les textes de Simone Veil rédigés à Londres, notamment « L'enracinement », ou bien qui parurent plus discrètement, là aussi, par exemple, l'essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique de Georges Canguilhem, plus tard abrégé sous le titre « Le normal et le pathologique », et qui parut de la faculté de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand, avec comme grand contemporain auquel il n'avait pas pu communiquer la structure du comportement, par exemple, de Maurice Merleau-Ponty, et il faudrait en citer d'autres, les textes qu'Emmanuel Lévinas ne put pas publier, mais publia à son retour d'un camp de prisonniers, par exemple. Ainsi, l'année 1943 fut une année d'explosion philosophique sans mauvaise image, à la fois l'année d'une révélation d'un problème commun, le problème de l'existence face à l'histoire, mais aussi de solutions profondément opposées, le problème aussi du négatif, de la liberté humaine chez Sartre, qui refuse de se faire réduire à une chose, qui résiste justement à cette violence de l'essentialisation et de la guerre, et Sartre l'appliquera bientôt à toutes les formes du racisme, et puis le négatif aussi dans la vie, le négatif de la maladie et de la mort auquel le résistant Georges Canguilhem pense que le vivant résiste avec aussi le secours de la médecine. L'année 1943 est donc l'exemple type d'un moment philosophique, un foyer commun qui éclate dans différentes directions, qui est aussi soumis aux aléas de l'histoire, puisque c'est seulement rétrospectivement qu'on peut rétablir ses membres dispersés, ne pas le réduire au coup de théâtre sartrien qui illumina la scène mais aussi par défaut des autres acteurs, replacer Sartre dans les relations avec ses contemporains les plus proches comme Merleau-Ponty et bientôt Ricoeur, lui aussi dans un camp de prisonniers dont il reviendra et il publiera Le volontaire et l'involontaire après la guerre, et les resituer aussi face à ceux qui critiquent la liberté de la conscience mais qui maintiennent la réalité de la résistance, de la subjectivité face au mal, à l'injustice et à la dictature comme Canguilhem, Cavaillès ou Simone Veil. Restituer l'unité de l'année 1943, malgré son explosion due à la guerre et malgré le contexte de la guerre, ses éclats philosophiques, son brillant philosophique, la manière dont elle inventa un nouveau moment théorique au cœur de ce qui paraissait de la destruction, comment refaire aujourd'hui philosophie dans un autre moment de destruction, c'est la question que nous devons y retrouver. Et Didier Kahn, dans ce studio, nous dit qu'en 1943, les nazis ont beaucoup célébré Paracels. Il y a des liens comme ça, souterrains, entre nos émissions et les chroniques de Frédéric Worms. Merci à lui. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Carla Michel en particulier et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Axel Dubois, Chaïma Gibois, Anna Feulpin et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.